qui semait l'amour et puis donnait la vie. Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fadjet 94.2. Daniel en votre compagnie, Yves à la technique, pour vous présenter la quatrième émission de Patchwork à l'écoute des musiques du monde. La programmation d'aujourd'hui, elle comprend du zouk antillais, comme d'habitude, un thème de chanson française à partir du mot « route », la route, un voyage musical en Albanie et un zeste de musique orientale. Et précisément, nous allons commencer avec cette musique orientale et la chanteuse libanaise Alissa Antalamine. حلم هربان من قلبي انسرق وبكيت عغيابه مطرح ما كنا نحترق صار الجمر بردان والعطر عنده وفى اكتر من اصحابه وحدي بدونك ما قدرت أصعب الحرمان ترك الندم عندي عيونك وغابوا مجروح قلبي وصرخ عم يندك ندمان محروق طعم الهنا غياب أحبابه انت Oh, il se passe quelque chose d'exceptionnel au studio. Une démarche chaloupée, une haleine avinée. Les Binuchards ont investi le studio. Je parle pas trop fort parce qu'ils pourraient nous entendre. Alors, les Binuchards, c'est un groupe de rock festif du Saint-Onge, vous savez, du côté de Royan. Et c'est un groupe qui est également influencé par les musiques celtiques et cajun. Et pour ce thème réservé à la route, bien prendre la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes, c'est pas sérieux. Bah, surtout quand il ne restait plus qu'un point à son permis. Les chemins et les palisses pour éviter la police. Tiens donc, les Binuchards, la route à 3 grammes. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. Les chemins et les palisses pour éviter la police. Les chemins et les palisses pour éviter la police. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. Les chemins et les palisses pour éviter la police. Les chemins et les palisses pour éviter la police. Trois pastis, c'est sûr je suis positif. J'ai beau expliquer aux flics que je suis pas un alcoolique. J'ai essayé le pétard, la tourtelle et un peu tout. Que je préfère le pinard et la bière de Berclou. Et la bière de Berclou. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. Les chemins et les palisses pour éviter la police. Les chemins et les palisses pour éviter la police. J'ai branché mon GPS sur la route de l'ivresse. Je passe à travers les vignes et les chemins de traverse. Quelle est la route la plus sûre quand t'as soupé au vin pur? T'as déjà un gramme ou deux, tu peux bouffer des croix bleues. Tu peux bouffer des croix bleues. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. Les chemins et les palisses pour éviter la police. Les chemins et les palisses pour éviter la police. Et moi, qui n'ai plus qu'un point, je suis mon permis à point. Même si j'avais 300 points, dans 6 mois, j'aurais plus rien. Pour mettre des contraventions, les motards ont le bras long. Faut toujours faire attention au radar et au ballon. Au radar et au ballon. J'en avais marre, t'es toujours un peu tricard. J'ai acheté un camping-car et une bouteille de Ricard. Je dors avec mes 3 grammes pour éviter les gendarmes. Je dors avec mon pastis pour éviter la police. Pour éviter la police. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. Les chemins et les palisses pour éviter la police. Les chemins et les palisses. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. Les chemins et les palisses pour éviter la police. Les chemins et les palisses pour éviter la police. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. Les chemins et les palisses pour éviter la police. Les chemins et les palisses pour éviter la police. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. Les chemins et les palisses pour éviter la police. Les chemins et les palisses pour éviter la police. Des effluves de vinasse dans le studio. Non, il faut aérer, hein. Et puis, Yves, si nous allions nous aérer en Albanie, pourquoi? pourquoi pas. L'Albanie est située sur la péninsule balkanique. C'est un pays traversé par les Alpes dinariques, avec des côtes qui s'étendent le long des mers Adriatiques et Ioniennes. L'Albanie, elle compte 3 millions d'habitants. Bah, c'est un petit pays. Hein. Et la capitale est Tirana, Tropojani. Morgim në shkojrinia, vlash vëndlind jam për paran Daj pas vitesh kër u ktheva, ndjeva mal për dy tiran Ska problem sa ke ndryshuar, kur të pash dhe lot më ran Ska problem se ku u linda, sot banon dhe tregu qam Sot në gryk më ngeci fjara, kur pa pritur tha një shok Ska rëndësi sa je shqiptar Karënci mos jesh malok Lot me male e Shqipria Nga skrapavi në Tiran Ndaj se trëmbeni kursoni Mos o zotë shtropo jan Ne në jetë nga soli zoti Si në fshatë si në Tiran Pir krenari kësaj toke Jam malzor jam tropo jan Nga vermoqi në Saranda Dhe një fqanë që eshim një soj Dhe kur guaj prap këndoj më Nga Tirana në Tropoj Unë kam ik një pirë malësori Me të ri asë kusht më nda është besnik njëri me zemën Sa dhe jetën mund t'ja falë Lot me male është Shqipria Nga skrapari në Tiran Daj pse trëmbeni kur thoni Mos o zotë është tropo janë Me në jetë nga soli zoti Si në fshatë si në Tiran Pirë krenari kësaj toke Jo malësor jam tropo janë Nga dhe moshi në Saranda Dhe një fqanë që eshi një soj Vaj kur vuaj prap këndoj më Nga Tirana në Tropoj Nga dhe moshi në Saranda Dhe gjithë qajnë që eshi një soj Vaj kur vuaj prap këndoj më Nga Tirana në Tropoj Në dhe jetë në sot i zoti Si dhe fshatë si në Tiran Pirë krenari kësaj toke Jo malësor janë tropo janë Ga për moshi në Saranda Të gjithë qajnë që eshim një soj Dhe ku kuaj prap këndoj më Nga Tirana në tropo Beaucoup d'Antillais à l'écoute de Patchwork. Alors un bonjour à toutes les Martiniquaises et Martiniquais, un bonjour à toutes les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Premier titre de Zouk proposé ce matin, Nikita Jean-Jacques Gaston. We'll be right back. parler de tout ce tous les matins. On est senti pour avoir si tant moi. Même si que on vivait en cachimère. C'est pas l'homme qui t'est manqué pour demain. Maya Nashri est une chanteuse libanaise qui connaît un succès dingue au Moyen-Orient et dans tout le monde arabe. Seulement voilà, depuis son mariage avec un cinéaste égyptien, elle s'est reconvertie dans le cinéma et elle a mis de côté sa carrière de chanteuse. Tant mieux ! Qui a dit tant mieux ? Oh Yves, je crois que j'ai reconnu sa voix. À tous les coups, c'est Geneviève de Malzéville. Tant mieux. Non, mais Geneviève, on ne dit pas tant mieux. Elle chante très bien, Maya Nashri. اخبار Dans les chansons de Georges Brassens, il faut toujours chercher le deuxième degré et la subtilité. Là, c'est l'évocation de quatre chansons sur la route de Dijon, sur le pont d'Avignon, dans la prison de Nantes et auprès de ma blonde. Alors, au-delà du texte, il y a un détail amusant. En prêtant l'oreille, mais il faut vraiment prêter l'oreille, on peut entendre jouer par la deuxième guitare, c'est-à-dire la guitare en fond, l'air de ces chansons sur la route de Dijon, sur le pont d'Avignon, dans la prison de Nantes et auprès de ma blonde. Et Georges Brassens, lui, chante avec une mélodie qui n'est pas la même. Et vous allez voir, c'est intéressant, mais tendez l'oreille, la route aux quatre chansons, Georges Brassens. J'ai pris la route de Dijon pour voir un peu la Marjolaine, la belle digue diguedon qui pleurait près de la fontaine. Mais elle avait changé de ton, il lui fallait des ducatons dedans son bas de laine pour n'avoir plus de peine. Elle m'a dit tu viens chérie, et si tu me payes un bon prix, aux anges je t'emmène. Digue diguedon d'aine, la Marjolaine pleurait surtout quand elle n'avait pas de sous. La Marjolaine de la chanson avait de plus nobles façons. J'ai passé le pont d'Avignon pour voir un peu les belles dames et les beaux messieurs tous en rond qui dansaient dans ces corps et âmes. Mais ils avaient changé de ton, ils faisaient fi des rigodons, menuets et pavanes, tarentelles sardanes. Et les belles dames ont dit ceci: étranger, sauve-toi d'ici où l'on donne l'alarme aux chiens et aux gendarmes. Quelle mouche les a donc piquées, les belles dames si distinguées, les belles dames de la chanson avaient de plus nobles façons. Je me suis fait faire prisonnier dans les vieilles prisons de Nantes pour voir la fille du geôlier qui paraît-il est avenante. Mais elle avait changé de ton quand j'ai demandé que dit-on des affaires courantes dans la ville de Nantes. La mignonne m'a répondu, on dit que vous serez pendu aux matines sonnantes, et j'en suis bien contente. Les geôlières n'ont plus de cœur aux prisons de Nantes et d'ailleurs. La geôlière de la chanson avait de plus nobles façons. Vous l'emmener à bonne fin, ma folle course vagabonde, vers mes pénates je revins pour dormir auprès de ma blonde. Mais elle avait changé de ton, avec elle sous les dredons, il y avait du monde dormant près de ma blonde. J'ai pris le coup d'un air blagueur, mais en cachette dans mon cœur, la peine était profonde, le chagrin lâchait la bonde. Hélas du jardin de mon père, la colombe s'est fait la paire. Par bonheur, par consolation, me sont restées les quatre chansons. Retour au Zouk avec ce chanteur guadeloupéen. Anthony Drou a été mis au piano à l'âge de 3 ans. C'est pas un peu jeune ça, 3 ans pour le piano, hein? Ben, jamais loin de toi, ma darling, prends-moi par la main, je t'emmène jusqu'au ciel. C'est un zouk de 2018. Amateur de zouk, c'est une chanson à ne pas manquer sous aucun prétexte. Anthony Drou et Stony. Ma lady, toi et moi c'est pour l'éternité. Et je te veux près de moi, oh baby, je te le dis c'est la vérité. Yeah. Oh belle ou jeune, où est-ce qu'il y a le désir, son arc-en-ciel. Oh yeah. Jamais trop loin de toi. toi ma darling. Prends ma main, je t'emmène jusqu'au ciel. Je t'aime. Je t'aime, je t'aimerai. Je t'ai toujours aimé, tu sais que je t'aime. Pour tout ce qu'on a partagé, on est. Oui, je t'aime. Je t'aime, je t'aimerai. Je t'ai toujours aimé, tu sais que je t'aime. Pour tout ce qu'on a partagé, on est. Oui, je t'aime. Tu sais, j'ai besoin de toi dans ma life. Comme une reine a besoin de son roi. En vrai, tu sais, j'y crois, n'en doute pas. Je ne suis bien que quand tu es là. Sabine plus belle, les recueillons pour leur vie essentielle. Baby, on est. Je t'aime. Je t'aime, je t'aimerai. Je t'ai toujours aimé, tu sais que je t'aime. Pour tout ce qu'on a partagé, on est. Parle-moi de moi dormi sans ou savant PQP. Parle-moi de moi de vivre sans ou savant PQP. Je t'aime. Je t'aime, je t'aimerai. Je t'ai toujours aimé, tu sais que je t'aime. Pour tout ce qu'on a partagé, on est. Albanie, les pays voisins de l'Albanie sont le Kosovo, le Monténégro, la Grèce et la Macédoine. Et bien, il se trouve que l'Albanie pourrait rentrer bientôt dans l'Union européenne. La porte, en tout cas, est ouverte, et, ainsi que pour la Macédoine. À l'heure actuelle, le salaire moyen en Albanie est de 302 euros et pourrait en faire le pays de l'Union européenne où l'on est le moins bien payé, ce qui explique d'ailleurs le fort taux d'émigration des Albanais. C'est 7 fois moins que le salaire mensuel français. Salaire mensuel français, 2100. Ah, vous allez me dire, ça fait beaucoup ça, 2100. Ben oui, il y a les gros salaires là-dedans, d'accord. Mais la plupart des Français vivent avec un salaire inférieur à 2100. Eh bien, en Albanie, c'est pareil. 302, c'est la moyenne. Mais la plupart des Albanais vivent avec 200 euros par mois. À réfléchir. Frédéric Ndoshi a participé au concours de l'Eurovision. Il n'a pas accédé à la finale. Et il est également écrivain et poète. Frédéric Ndoshi. Thank you. Leti je toj më sotrini në bota së shtetjetë Djerës e gjatë e shkruhe një stori në jo nuk jemi vetë Kush jeton si ne me zemër të kria Në të ardhmen tonë beso Kur jemi to, mërdri gjithësia Veç pran verë të mbjeti kërkoj Unë më ti e falin dhe rinina E për lidi dhe jetën Ti për ti e bandin historinë Mbroj me të vërketën Unë më ti E falim dhe rinina për një ditë jetë Ti për ti e këndim historinë Ndrojmë të vërtetë E vëndim historinë në mbrojnë më të vërtetën Unë dhe ti e falim dhe rininë për një ditë jetën Ti për ti e vëndim historinë në mbrojnë më të vërtetën C'est en 1955 que Charles Trenet composa cette chanson et il avait l'habitude de pratiquer cette National 7 qui relie Paris à Jean-Lépin. À Jean-Lépin, Charles Trenet avait une maison. Certes, on parlait à l'époque de projets autoroutiers, mais le réseau ne s'est vraiment développé qu'à partir des années 60. Aujourd'hui, pour aller de Paris à Jean-Lépin, il faut compter 18h30 si vous prenez la National 7. Et si vous prenez l'autoroute, il faut compter 8h30, c'est-à-dire 10 heures de moins. Évidemment, cela a un coût, 75 euros de péage. National 7, Charles Trenet. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto. Ou un autostop vers les rivages du Midi National 7 Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7 Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 C'est une route qui fera 7 Route des vacances Qui traverse la Bourgogne et la Provence Qui fait de Paris un petit faubourg de Valence Et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence Le ciel d'été Remplit nos cœurs de sa lucidité Chasse les aigreurs et les acidités Qui font le malheur des grandes cités Tout excité On chante en fête Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette L'amour joyeux est là, qui fait risette On est heureux, National 7 Route des vacances Qui traverse la plus belle partie de la France Qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul de Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités, toutes excitées en chantant fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux National 7. On est heureux National 7. On est heureux National 7. Albany, Albany. Ah, j'ai vu que ça avait fait tilt le salaire moyen des Albanais. Ben oui, si le coût de la vie est adapté au salaire moyen albanais, ben l'Albanie représente un très grand attrait pour le tourisme et les curiosités qui n'en manquent pas. La Riviera albanaise, parsemée de villages, Tirana, une capitale colorée et vivante, Béra, la ville aux mille fenêtres, le quartier historique de... Enfin, c'est pas facile à lire, ça. À Girogastra, et le site archéologique de Butrint, classés tous les deux au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans la montagne albanaise, vous trouverez des lacs et la nature, des paysages préservés, des reliefs à couper le souffle, des villages perdus. Mais qu'est-ce que vous attendez pour y aller ? Mais soyez prudents sur les routes, elles ne sont pas en très bon état. Et puis, finalement, oubliez la mafia. Un duo albano-italien, la chanson est en italien, mais la chanteuse est albanaise, Fluturimi, avec Enrico Ruggieri et Elsa Lila. Tani pa humburko, leto de join kongon, Fluturimi fundit. C'è un mondo che comunica attraverso le persone fra un balcone ed una piazza e noi lo assecondiamo con i sogni e i movimenti della faccia. Viaggi di cui vede, di cui si immagino la radice di cui si spede coa che lua. Da dove il tempo ha consumato i miei ricordi come quando piove un coderuto già da di al cadena di cui splendoggio te rifere veni dietro vei di là. Sono porte spalancate per guardare in lontananza, antenne paraboliche discese nel silenzio di una stanza. Mi sapri dire che te, tu ti eri pianto un dolce vacende no per bord. Si spede coa cada lua, non cresce fiesce tanta luce, e tu che veda lua. Vado non so dove, io vengo via da dove, il tempo ha rallentato i miei ricordi come quando piove, ne codo il rotto c'è, la via cadena, il cui splendore per il fede, vieni dietro, vieni di là. Tu e ti mettiamo venire, tu si gjer, un këtë rrug të gjer, ka dhja ka dhe mar, dhe kush me ndon që të rifer, dhe një tjetër, dhe i dhja. Elisa R est une chanteuse de zouk. Elle est née à Villepinte, en région parisienne, et dans une famille guadeloupéenne, j'en connais d'autres. En 2008, elle est classée meilleure artiste féminine au Caribbean Music Awards. T'as déconné, Elisa R. Na na na na na na. Ok. Délire un jour et l'autre à la corde au cou. Tu m'as vendu du rêve, là j'ai fait le tour. La rage au bout des lèvres, une larme sur ma joue. T'auras beau me retenir, maintenant mon cœur est sourd. J'ai patienté pour convivre notre amour, mais tu m'as délaissé jour après jour. Ça fait un mal de fou, mais là je dois me résoudre à refaire ma vie, même si mon cœur est lourd. Bah, il ne faut pas déconner, hein. Oui, c'est le titre de la chanson qui vient de passer. Et la cuisine albanaise dans tout ça. Eh bien, à différents moments de son histoire, l'Albanie a été occupée par la Grèce, l'Italie et l'Empire ottoman. Et chaque pays a laissé sa marque sur la cuisine albanaise. Alors, on retiendra, en entrée, les feuilles de vigne fourrées avec du riz, avec ou sans viande. En salade, salade de haricots secs et les salades de choux. Là, en soupe, la soupe au citron, ça doit être marrant ça. Le poisson, une truite aux oignons et à la tomate cuite au four. En viande, l'agneau et le yaourt au four. Le yaourt grec, bien sûr. Hein. Légumes, les aubergines farcies au fromage. La tourte, le bayrek, c'est la tourte albanaise. Et en dessert, le halva, un gâteau avec du sésame. Boisson, outre les boissons habituelles, le babeur albanais et la bodza, boisson fermentée à base de maïs et de blé. Le raki aussi, tout ça à boire avec modération. Et puis, n'oublions pas le café turc avec son marc dedans, un café qui réveille. Bon appétit. Allez, vache zella. Laisser le soin de conclure cette émission Patchwork à la gagnante des talents France Bleu en 2011. Il s'agit de Zaz, le long de la route. On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles. Passés rancuniers ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins. Sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer. vouloir oublier. Prenons-nous la main, le long de la route, choisissant nos destins, sans plus aucun doute. J'y crois et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains. La peine de se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents, le manchon sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissant nos destins sans plus aucun doute. J'y crois et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains. Le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Mais les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con peut être con à se cacher de soi-même. À se confirmer, prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'y crois et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains, coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Si nos schémas ancrés ne viennent pas nous figer, c'est le début de nos rêves à se confirmer. C'est con, ce qu'on peut être con à se cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert. Et ben voilà, Patchwork numéro 4 est maintenant terminé. Merci à Yves pour la régie technique. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Notre but, c'est de vous intéresser tout en vous distrayant. Et n'oublions pas que la musique s'exprime dans tous les pays du monde. Ne manquez pas Patchwork dans 15 jours. Je crois que le voyage musical nous emmènera au Pérou. Et cerise sur le canto, dimanche prochain. Deux mots sur la page de l'émission sur Facebook. La cerise sur le canto tiré Patchwork. Je vous mettrai prochainement le mode opératoire pour pouvoir accéder au podcast des émissions 1, 2, 3 et 4 de la cerise sur le canto et 1, 2, 3 et 4 de Patchwork. En attendant, soyez heureux à l'écoute de Radio Fajette Nancy 94.2 ou sur le net. Au revoir.